بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة السنة، ونحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا، ونسألوه سبحانه وتعالى المزيد من فضله. لون جاء الله سبحانه وتعالى pour l'islam et pour la sunna et pour la voie des plus prédécesseurs de Allah عليهم et pour tous les bienfaits avec lesquels il nous a comblés. Nous demandons à Allah سبحانه وتعالى de nous augmenter de ces bienfaits. Et on continue ce rappel sur le jeûne avec ces deux points importants, à savoir qu'il faut authentifier ses croyances avant d'accomplir n'importe quel acte d'adoration, et que l'acte doit être accompli exclusivement par Allah, pour Allah et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de faire très attention à ce qu'on prononce, et à ce qu'on croit, et à ce qu'on fait. Donc, فنواصل هذا التذكير هذه المجالس التذكيرية حول ما يهم الصيام، ولا بد أن نقف مع هاتين النقطتين المهمتين، ألا وهي تصحيح الاعتقاد قبل أي عبادة كانت، وكذلك أن أي عبادة يجب أن يكون خالصا لله عز وجل وعلى الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى في اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب على الإنسان أن يحتاط فيما يقول وفيما يعتقد، وأن يكون اعتقاده وفقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإياك ثم إياك أخي الإسلام أن تقول قولة الجاهلين الله في كل مكان أو الله في قلب المؤمن، فهذه قولة ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، وما قالها صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قالها أحد ممن تبعهم بإحسان. فإياك أياك أخ الإسلام أن تعتقد أو تقول في الله ما لم يعتقده ولم يقله سلفك الصالح رضوان الله عليهم. لا بد أن تعتقد في الله اعتقادا صحيحا. أخ الإسلام، الصوم يجب أن يصام لله لا أن يصام عادة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصوم يكون إيمانا واحتسابا، لا من أجل مجارات المجتمع، نصوم لأن الناس يصومون، أو كما يقول البعض صوم لأنني تعودت على ذلك من الصغر، أو يصوم لأجل أن يصح. Donc, الله سبحانه وتعالى tu dois faire très attention et ne prononce pas les paroles des ignorants. Allah est partout ou Allah est dans le cœur des croyants. Ce sont là deux phrases que ni notre messager alayhi salatu wassalam ni aucun autre messager alayhi salatu wassalam a dit. Aucun compagnon ne les a dites non plus, et aucun de ceux qui les ont suivis à la perfection ne l'ont dite. Attention, n'adopte pas une croyance concernant Allah qui n'est pas la croyance du type prédécesseur d'Allah alayhi. Il est obligatoire d'avoir une aqida correcte avant d'accomplir n'importe quel acte d'adoration. Soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne doit être accompli pour Allah et non pas par coutume. Car le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que celui qui jeûne par foi en Allah et pour avoir la récompense d'Allah, ses péchés précédents seront absous. Le jeûne doit être accompli par foi en Allah et pour avoir les récompenses d'Allah, et non pour faire comme tout le monde, ou jeûner parce que les gens jeûnent, ou comme certains disent dans ce genre de pays, quand ils se retrouvent devant un non-musulman, je jeûne parce que je suis habitué à cela et je suis habitué à jeûner depuis mon bas âge, ou je jeûne pour soigner ma santé, etc. Fa na'am siyam fihi manafi' la tu'ad wa la tuhsa wa sawmuna لا يكون عبادة ولا يقبله المولى عز وجل إذا صمنا إيمانا واحتسابا. فهذا أمر مهم في حياة المسلم وأمر مهم في اعتقاده وفي عبادته. وكذلك نصوم وفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا وفق أهوائنا، فيجب أن نصوم لرب نعرفه كما كان يعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأعراب منهم رضي الله عنهم وارضاهم، بل النساء منهم، بل الجواري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فلا بد أن نقيم صومنا وهي عبادة من عباداتنا على عقيدة صحيحة، وأن نقوم بها إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله. Certes, dans le jeûne, il y a beaucoup de bienfaits. Mais notre jeûne ne peut être considéré comme adoration et accepté par Allah subhanahu wa ta'ala que si on jeûne par foi en Allah, espérant les récompenses d'Allah. Il est obligatoire de jeûner pour le souverain subhanahu wa ta'ala que nous devons connaître et connaître ses attributs, comme les connaissaient les nobles compagnons d'Allah alayhim et comme les connaissaient les bédouins parmi eux. Et comme les connaissaient les femmes parmi les compagnons et les servantes parmi les compagnons de Allah alayhim. Ils avaient une connaissance parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est obligatoire que notre jeûne et tout acte de nos adorations soit accompli sur une aqida authentique et qu'on se rappelle la servante qu'est-ce qu'il a répondu au messager alayhi salam concernant Allah subhanahu wa ta'ala, quand il lui a posé la question, la petite servante bergère aux alentours des montagnes de Médine a répondu: Allah est au-dessus des cieux. ولا بد أن نتذكر أمر تلكم الجارية عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله فقالت الله في السماء أي فوق السبع سماوات وفوق العرش العظيم. وهنا أمر مهم نبى عليه العلماء وهو قولهم إن الخلاف الأساسي بيننا وبين النصارى محوره صفات الباري سبحانه وتعالى. فالنصارى يقولون إن الله عز وجل حال في خلقه في صفة الناسوتية أي البشرية. ولعدم معرفة هذا الخلاف الكبير تسمع من بعض من ينسب إلى العلم في فرق الضلال يقول: نحن وإياهم نؤمن بالله، لا فرق بيننا وبينهم. لا ثم والله لا ثم لا لا نحن نؤمن بإله غير الإله الذي تؤمن به النصارى. فالنصارى يؤمنون بإله يتمثل في ثلاث صور: أب وولد وروح. يؤمنون بالإله الإبن وله خصائص الناسوتية البشرية وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، ويؤمنون بالإله الأب وله الخصائص الإلهية وهو الله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بالإله الروح القدس وله خصائص الازدواجية بين الإلهية والبشرية وهو الروح القدس التي حلت في مريم، ويؤمنون بإله يلد ويولد. فهل أنت تؤمن بإله هذه صفته؟ هل تؤمن بإله يخرج من رحم امرأة؟ فالخلاف بيننا وبينهم هو في الصفات الإلهية، ولا بد من فهم هذا حتى لا نهرف بما لا نعرف. Il y a un point important sur lequel les savants ont fait d'énormes éclaircissements, en clarifiant bien que la divergence principale avec nous et les chrétiens, son pivot principal, ce sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les chrétiens disent qu'Allah s'établit dans ses créatures, dans l'aspect humain, c'est-à-dire nasutiya, l'aspect humain, qui est le fait de ne pas bien connaître ce pivot de la divergence, Tu entends les savants des tendances de l'égarement, de ces tendances égarées, égareuses, dire « Nous, les chrétiens, on croit en Allah. Il n'y a aucune différence entre nous et eux. Par Allah que non. » Ceci est une grave erreur et un énorme égarement. Nous, on croit au seul digne d'être adoré qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas l'adoré des chrétiens. Les chrétiens croient en une divinité représentée par trois aspects. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils, la divinité qui a la spécificité humaine, nasutiya, c'est-à-dire l'aspect humain, qui est Isa alayhi salatu salam. Et Isa se disait à vous deux du culte qu'on lui voue. Le deuxième aspect, le Père, la divinité qui a la spécificité de la divinité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils prétendent. Et le troisième aspect, le Saint-Esprit, qui a les spécificités du dédoublement entre la divinité, l'humain et l'esprit qui s'est établi en Maryam, alayhi salatu salam. Il croit en des divinités, il croit en une divinité qui se fait engendrer et qui engendre. Est-ce que le musulman croit en une divinité qui sort des matrices d'une femme? La divergence principale entre nous et les chrétiens, ce sont les attributs d'Allah. Et il est obligatoire de bien comprendre cela pour ne pas gober et dire n'importe quoi sur Allah subhanahu wa ta'ala et dans la religion d'Allah. وَلَعَلَّكَ وَأَنْتَ فِي هَذِي الْبِلَادِ الَّتِي يُقَالُ عَنْهَا بَيْنَ قَوْسَيْنِ مَسِيحِيًّا يُوَاجِهُكَ أَحَدُهُمْ بِهَذِي الشُّبْهَةِ لِمَاذَا لَا تُؤْمِنُ بِإِلَهٍ يَلِدُ وَيُولَدُ كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ تَحْتَ قَاعِدَةِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُذْلَانِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّلَالِ وَمِنَ الْكُفْرِ هذه الفرية وهذه الشبهة رد عليها ربنا عز وجل في قوله لم يلد ولم يولد فانتبه يا عبد الله أصحاب الشبه كثر وشبههم لا تنحصر وتسمع لبعضهم يقول موضوع الأسماء والصفات ليس مهما وهم يتلون قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا عبد الله أنت تعرف أن الله سميع أتفهم معنى هذا أم تزعم أن كون الله عز وجل سميعا بنفس كونه بصيرا هل كلمة سميع وبصير بنفس المعنى عندك أتؤمن بهذه الأسماء على ما فيها من معاني أم لا لا بد لك من الإيمان بأسماء الله على ما فيها من معاني لا كما يقول بعضهم نفوض معانيها ونمرها هكذا قراءة والسلام لا ثم لا certes, créons Allah Azza wa Jal, en habitant dans ce genre de pays qui se dit chrétien, entre parenthèses, quelqu'un polémiquerait avec toi et t'envoie cette grosse ambiguïté. Pourquoi tu ne crois pas en une divinité qui engendre, qui se fait engendrer comme il sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala, selon la règle qui dit, rien ne lui ressemble et il est l'audient et le clairvoyant. Qu'Allah nous en préserve de la mécréance. Allah a répliqué à ce gros mensonge, dans sourate la sincérité, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Fais attention. Les lanceurs d'ambiguïté sont nombreux et leurs ambiguïtés n'ont pas de limite. Et certains insensés inculque à la jeunesse musulmane que l'étude des noms et des attributs n'est pas important, alors qu'ils lisent le verset 180 dans Sourat al-A'raf, dont la traduction approximative nous dit ceci, « C'est à Allah qu'appartient les sublimes noms, invoquez-le avec et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. » Ô toi le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'Allah est Dieu. Est-ce que tu comprends le sens de Dieu? Ou alors tu prétends que audion signifie la même chose qu'au clairvoyant? Est-ce que tu crois en ces noms avec leur réelle signification en langue arabe? ou pas, car il est obligatoire de croire en les noms d'Allah avec leur réelle signification, et non pas comme prétendent certains leaders de certaines tendances égarées. On délègue le sens des noms et des attributs. On les lit tout simplement comme ça, sans prendre en considération leur sens dans la langue arabe. Jamais de la vie, akhal islam, ils ont un sens dans la langue arabe que nous devons prendre et y croire, comme y a cru les nobles compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection. Ahlus sunnati wal jama'a yaquluna numirruha kama ja'at, ay hadhihi al asma' wa sifat numirruha kama ja'at, mu'minina bima'aniha wa muthbitina laha ma'a tafwid al kayfiyyah lillah 'azza wa jalla. فهذا ضابط مهم في هذه المسألة. فالإيمان بالأسماء والصفات لا بد منه. تؤمن بأن الله سميع بصير، وإذا سئلت كيف يسمع كيف يبصر قلت أما الكيف فلا دخل لنا فيه. تؤمن بأن الله له يدان، وهذا ورد في آيات، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وعندما نثبت لله اليدين والسمع والبصر فلا نشبهه بخلقه، ولكننا نثبت كل هذه الصفات تمسكا بقوله وعملا بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Les gens de la Sunna disent, on prend les noms et les attributs d'Allah tels qu'ils sont et on croit en leur signification en langue arabe et on les confirme dans leur signification tout en déléguant le sens de leur comment, tout en déléguant tout simplement le sens du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un point important pour maîtriser ce sujet. La foi en les noms et les attributs est obligatoire. Croire qu'Allah est tout Dieu et qu'il est clairvoyant. Mais si on te pose la question comment il voit, comment il entend, tu répondras tout simplement ceci, ce n'est pas de mon ressort, ni du vôtre. Ceci, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Car comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah, l'élévation d'Allah est connue. Et il est, c'est-à-dire il est connu dans la langue arabe, sa signification est connue dans la langue arabe. Et il est obligatoire d'y croire. Et le comment de cette élévation est inconnu de tous. Et poser les questions sur le comment de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala est une innovation. Et cette parole de l'imam Malik rahimahullah s'utilise pour tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a dit qu'il a deux mains, on y croit. Tout en confirmant le sens de la main en langue arabe. Et on ne cherche pas comment sont les mains d'Allah. Dans le verset 64, dans Sourate la Table, dans la traduction approximative de ce sens, nous dit, et les Juifs ont dit, la main d'Allah est fermée, dans le sens qu'il est avare, a'oudhu billah, que leurs propres mains soient fermées, maudits soient-ils pour leur dire, au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, et il distribue ses dons comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Quand on confirme à Allah subhanahu wa ta'ala les deux mains, lui, la vue et les autres attributs, on ne le fait pas ressembler à ses créatures. Cette confirmation s'accomplit conformément à la règle qu'Allah nous a instaurée dans le Coran. Rien ne lui ressemble et il est le Dieu et le clairvoyant subhanahu wa ta'ala. فيما يتعلق بالأسماء والصفات فنقر بأن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير ونقر له بالعلو كما قال الإمام مالك العلو معلوم أي معلوم في اللغة العربية لكن كيف هذا العلو هذا مجهول للناس لا يمكن أن نفهمه لكن نقر أنه سبحانه وتعالى فوق العرش الذي هو فوق السبع السماوات سبحانه وتعالى ونقر بهذا بدون كيف ونفهم معناه كما فهمه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وبلغوا لهذه الأمة. فأهل السنة والجماعة لا يخوضون في الكيفية، والأصل عندهم إثبات الأسماء والصفات كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وكما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله يدان وكلتا يديه يمين جل في علاه. والمقصود هنا أن الله عز وجل له صفات الكمال والجلال، وهو منزه عن كل نقص وعيب، ليس كمثله شيء، هذا تنزيه لله عز وجل عن النقص وعن العيب وعن مشابهة خلقه، وهو السميع العليم، إثبات للسمع والبصر لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالآية تضمنت النفي والإثبات، إثبات الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله، ونفي النقص والعيب عن الله عز وجل، ونفي أن يكون شبيها لخلقه سبحانه وتعالى. Donc les gens de la sunna ne dissertent pas, ils ne s'occupent pas du comment des attributs d'Allah. La base pour eux, c'est la confirmation des noms et des attributs d'Allah, comme Allah les a confirmés lui-même, et comme le messager sallallahu alayhi wa sallam les lui a confirmés. Dans le hadith authentique, le messager d'Allah a dit: Allah a deux mains, et ses deux mains sont droites. Wa kilta yadayhi yamin. Ce qui veut dire qu'Allah a les attributs les plus parfaits, les attributs majestueux, exemple de tout défaut et de toute diminution. Dans le verset, rien ne lui ressemble. Ceci, c'est l'exemptation d'Allah de toute diminution et l'exemptation d'Allah de toute ressemblance avec ses créatures. Et dans le verset, il est confirmé, et il est le dion et le clairvoyant. La confirmation de la vue et de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il sied à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Donc le verset contient la négation et la confirmation. La négation de tout ce qui est diminutif et de toute ressemblance avec les créatures, et la confirmation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il sied à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. فالآيَةُ أثبتت لله سمعا وبصرا. ألا تسمع وتبصر أيها الإنسان؟ بلى، فسمعك وبصرك كسمع ربك وبصره، تعالى الله. الجواب لا، ولا يمكن أن نفكر بهذه المقارنة، فلله سمعه وبصره اللذان يليقان بعظمته وجلاله، وللإنسان بصره وسمعه اللذان يليقان بفقره وضعفه وعجزه. فوصف المولى عز وجل بالسمع والبصر مع كون الإنسان موصوف بالسمع والبصر لا يقتضي المشابهة ولا المماثلة، بل لا مقارنة أصلا. قال عز وجل في حق الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Donc le verset confirme à Allah subhanahu wa ta'ala la vue et lui. Et toi l'être humain, tu entends, tu vois aussi. Certes tu vois et tu entends. Est-ce que ton oui et ta vue sont comme ceux de ton créateur? Abadan. La réponse est non. Et on n'a pas le droit de faire cette comparaison. Allah Azza wa Jal, à lui, il a vu qui convient à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain a la vue, lui, qui correspond à sa faiblesse, à son incapacité, à sa pauvreté. Le fait que l'être humain est décrit ayant la vue, lui, alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est décrit avec aussi, cela n'implique pas la ressemblance, ni la similitude. Il n'y a aucune comparaison à la base. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset 1 et 2 dans Sourate l'être humain: il s'est écoulé un laps de temps pour l'être humain durant laquelle il n'était pas une chose mentionnable. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée, c'est-à-dire mélangée à d'autres composantes diverses, pour le mettre à l'épreuve. C'est pour ça, et nous l'avons fait entendant et voyant. وقال عز وجل في حقه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل له السمع المطلق والبصر المطلق وسمع الإنسان وبصره يليق بفقره وضعفه وعجزه. قال عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. فبصر الإنسان يليق بقصوره وصفاته، وصفاته الناقصة تليق بضعفه وعجزه، فلا مقارنة بين الخالق والمخلوق. فانظر النملة لها أعين، فهل أعينها كعين البشر أم كعين الفرس؟ أبدا. وانظر إلى عين الفيل وإلى عين البقرة، لكلهم لهم أعين، هل يتشابهان؟ أبدا. فإذا كان الخلاف ولم يكن هناك تشابه بين المخلوقات، فكيف برب المخلوقات سبحانه وتعالى؟ دونك Et concernant Allah subhanahu wa ta'ala, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, rien ne lui ressemble et il est le Dieu et le clairvoyant. Allah azza wa jal a lui absolu, il a lui absolu qui correspond à sa majesté et à sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Quant à lui, il a vu de la personne, il correspond, lui, il a vu de l'être humain, il correspond à sa faiblesse et à son incapacité et à sa pauvreté. Et il dit dans le verset, dans Sourat les femmes, car l'être humain a été créé faible. Donc la vie de l'être humain convient à sa faiblesse et à ses limitations, et ses attributs incomplets conviennent à sa place et à sa faiblesse et à son incapacité. Et il n'y a aucune comparaison ni similitude avec les attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et regarde ceci, la fourmi a des yeux. Hein? Wa alaykoum salam. Ben, l'éléphant, il a des yeux aussi. Est-ce qu'ils sont similaires? Abadan. Hein? Le cheval a des yeux. L'être humain a des yeux. Ils sont similaires, ils se ressemblent. Abadan. Ben, si les attributs des créatures ne se ressemblent pas, qu'est-ce qu'il en est alors des attributs du Créateur, subhanahu wa ta'ala? Fa yaqulu, fallahu azza wa jalla laysa kamithlihi shay. La fi al-asma' wa la fi al-sifat. والكلام في أسمائه وصفاته فرع عن الكلام في ذاته، فرع عن الكلام في الذات. فيا عبد الله لا تدخل نفسك في الكيفيات، وهذا ما قصده أهل العلم في قولهم ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، أي عندما تفكر في يدي الله عز وجل مثلا كيف يداه، هذا لا يمكنك تصوره بعقلك القاصر. فالله له يدان تليقان بعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ليس كأيدي المخلوقات ولا أيدي أحد من البشر. وهكذا قس كل أسماء الله وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc rien ne lui ressemble, rien ne ressemble à Allah سبحانه وتعالى ni dans ses noms ni dans ses attributs. Et le fait de parler de ses attributs, ceci est une relation avec le fait de parler de son essence subhanahu wa ta'ala. Toi le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'immisce pas dans le comment des noms et des attributs d'Allah. Les hommes de science disent tout ce qui te vient à l'esprit concernant Allah, Allah il est complètement différent de tout ce que tu peux imaginer. Allah est différent. C'est-à-dire quand tu penses par exemple au comment des mains d'Allah, cela, tu ne peux pas l'imaginer avec ta raison limitée. Allah a deux mains qui conviennent à sa majesté et à sa grandeur absolue. Et ils ne sont pas comme nos mains. Ils ne sont pas comme les mains de n'importe quelle créature. Et ainsi, tu dois te comporter avec tous les noms et tous les attributs d'Allah. فَيُصَفُ الْإِنسَانِ بِأَنَّهُ كَرِيمٌ هَلْ كَرَمُ الْإِنسَانِ يُسَوِي كَرَمَ اللَّهِ الله يعطي منذ أن خلق السماوات والأرض فهو كريم وجواد، وما نقص ذلك من خزائنه شيء، وابن آدم مهما كان كرمه فهو ناقص، عنده حد. Donc on dit de quelqu'un qu'il est généreux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il est karim aussi, il est jawad. Mais est-ce qu'on va comparer la générosité d'Allah avec celle de l'être humain? Celle de l'être humain, il est limité. Un temps, et il est limité aussi à ses capacités. Quant à la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de limite. Les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas de limite. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذه الآية في تنايا آيات الصيام، يقول العلماء لعل الحكمة من ذلك حث الصائم على كثرة الدعاء وتنبيهه على كثرة مناسبة الدعاء وأسباب إجابته، ها؟ ولعل إنسانا يتساءل كيف هو سبحانه وتعالى قريب وهو فوق العرش. يا أخي لا تتكلم عن الكيف، فالصفة فرع عن الذات. هل تعرف كيفية الذات؟ لا. كذلك قل في الصفات والأسماء، أنت لا تعرف كيفية الذات، فكيف تخوض في الأسماء والصفات؟ الله عز وجل فوق السماوات السبع، فوق العرش العظيم، وهو في نفس الوقت قريب منا، يسمعنا ويبصرنا ويعلم ما نحن عليه، لا تخفى عليه منا خافية. Donc, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset dans sourate La Vache, si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis, je suis proche, j'exauce le dua de celui qui m'implore. Les savants disent que le but et la sagesse de ce verset au milieu des versets du jeûne, et à cet endroit spécifiquement, c'est pour inciter le jeûneur à faire beaucoup de dua, et pour attirer l'intention du jeûneur que les moments de l'exauce du dua sont nombreux, sont nombreuses au moment du jeûne. Et si quelqu'un se pose la question, comment Allah est proche tout en étant au-dessus du trône qui est au-dessus du sept cieux? Frère Allah Azza wa Jal ne disserte pas sur le comment des attributs d'Allah. Car les attributs d'Allah découlent de son essence subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu connais l'essence d'Allah? Non. Donc ainsi tu dois dire concernant les noms et les attributs d'Allah et le comment des noms et des attributs d'Allah. Tu ne connais pas le comment de l'essence d'Allah. Comment tu peux disserter et connaître, hein, le comment des noms et des attributs d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône qui est au-dessus des sept cieux, et en même temps il est proche de nous, il nous entend, il nous voit, il sait toutes les situations dans lesquelles nous sommes, rien ne lui échappe. Ayyuha al-muslim, likay yataqabbal Allah minka صيامك وجل عبادتك، اجعل عبادتك لله وحده سبحانه وتعالى. فهناك من يقضي رمضان عند قبور الصالحين ويقول المدد يا علي، المدد يا حسين، المدد يا ست زينب، المدد يا جيلاني، المدد يا يحيى، المدد يا بودشيش، المدد يا تيجاني، وهلم جرى. وهذا شرك أكبر بالله عز وجل. أتقضي يا من خلقت لعبادة رب السماوات والأرض رمضان في أماكن يعبد فيها مع الله غيره؟ إن دعاء غير الله شرك أكبر. قال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه نكرة في سياق النهي، هذا يقتضي عند أهل العلم باللغة والأصول العموم، أي لا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعو إلا الله. وجاء في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، لا تطلب المدد إلا من الله. قال عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. من الذي يمد؟ رب العزة سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. من يجيب؟ الله سبحانه وتعالى وحده. Donc, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah accepte de toi le jeûne et tous tes actes d'adoration. Accomplis-les uniquement pour Allah. Car il y a des gens qui passent leur temps à côté des tombes des vertueux en disant « Oh Ali, donne-moi des enfants. Oh Hussein, donne-moi la fortune. Oh, Jilani, guéris-moi. Oh, Tijani, délivre-nous, et ainsi de suite. » Ceci, c'est de l'associationnisme majeur qui sort de l'islam et qui détruit tous les actes. Comment ici est celui qui a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement de passer son temps dans des endroits où on adore autre qu'Allah? Le fait d'implorer autre qu'Allah, c'est du shirk majeur qui puisse sortir de l'islam et détruire tous les actes. Et il est dit dans le verset 18 dans Surat al-Jinn, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. N'implore et n'invoque personne avec Allah. Cette expression dans ce verset est une expression indéfinie dans un contexte d'interdiction. Et cela signifie, pour les savants de la langue arabe et pour les savants des fondements de la religion, le sul fiqh signifie la généralité, ce qui veut dire n'invoque personne qu'Allah, n'implore personne qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith authentique, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, dua c'est l'adoration. Donc ne demande pas ce que ne peut faire qu'Allah à qui que ce soit, mais demande-le uniquement à Allah. Le secours, la victoire, la délivrance, les enfants, tout ceci, tu ne dois le demander qu'à Allah. Écoute et médite le verset 9 dans Sourate al-Butin, où la traduction approximative du sens nous dit cela. Et rappelez-vous, le moment où vous implorez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Qui secourt? Allah subhanahu wa ta'ala. Qui donne l'aide? Allah subhanahu wa ta'ala. Le souverain du monde, c'est lui qui exauce les du'as, c'est lui qui donne les enfants, c'est lui qui a la puissance absolue, subhanahu wa ta'ala. Et qu'on se rappelle le sens approximatif toujours de ce verset. C'est mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche, j'exauce celui qui m'implore. Donc n'implore qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne demande qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui va t'exaucer, subhanahu wa ta'ala. فَلِكَيْ نتذكر قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذه الآية وسط آيات الصيام تقتضي الكلام يقتضي الكلام عنها عن معتقد المسلم في الله عز وجل لكي نتذكر أنه لا يصام إلا لله وحده سبحانه وتعالى فلا نصوم عادة ولا احتفالا ولا مناسبة ولا لأنه موسم الصيام ولا من أجل مجاراة المجتمع ولا من أجل الصحة ولا من أجل العادة بل نصوم إيمانا واحتسابا لله عز وجل. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخطاب هنا لمن؟ للمؤمنين الذين عرفوا ربهم وأقروا له بالعبودية سبحانه وتعالى وأقروا له بالوحدانية، وحدانية الأفعال، وحدانية الأسماء والصفات، وحدانية العبودية. كتب عليكم أي أيها المؤمنون كتب عليكم فريضة، فريضة الصيام كما كتبها على الذين من قبلكم. وهذا يعني أن الصيام فريضة عالمية وليس خاصا بهذه الأمة، بل هو فريضة على الأمم السابقة قبلنا. Donc ce verset, et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, hein, dis-leur je suis proche, j'exauce le dua de ceux qui m'implorent, qu'ils répondent à mon appel. Ce verset qui se trouve au milieu du verset du jeûne, il est là. Pour nous motiver et pour nous motiver à discuter sur la croyance que doit avoir le musulman, pour qu'on se rappelle qu'on doit jeûner uniquement pour Allah. On ne doit pas jeûner par coutume ou parce que c'est la saison du jeûne ou pour faire comme tout le monde ou pour la santé, mais on doit jeûner parfois en Allah et par obéissance à Allah. Espérons la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset, dans sa traduction approximative du sens, nous dit cela. Ou vous qui croyez, il vous a été fait obligatoire le jeûne, comme il a été fait obligatoire à ceux qui vous ont précédés. Ainsi vous allez atteindre la taqwa. Ce message s'adresse à qui? Ce message s'adresse à tous ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui connaissent leur souverain subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa grandeur. Tous ceux qui confirment leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui voulent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne a été proscrit et rendu obligatoire pour les croyants et pour cette communauté, comme il a été une obligation pour ceux qui nous ont précédés. Cela veut dire que le jeûne est une obligation universelle et n'est pas spécifique à cette communauté. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان وفي كل مكان وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمصارعة إلى صالح الخصال وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. Donc, le verset dans Sourate Al-Baqarah, le verset 183 et 184, dont la traduction approximative du sens nous dit cela, où les croyants, on vous a prescrit le jeûne, c'est-à-dire du mois de Ramadan, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi vous allez atteindre taqwa. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus que son propre gré, si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. L'érudit Sa'di, rahimahullah, dans l'explication qu'il a faite du Coran, dit concernant ces versets, Allah annonce le bien avec lequel il a comblé ses serviteurs, en leur prescrivant le jeûne, comme il l'avait prescrit aux communautés précédentes, car le jeûne fait partie des ordres et des législations dans laquelle il y a le bien des créatures en tout lieu et tout temps. Et il y a dans cette législation du jeûne la motivation de la communauté musulmane pour qu'il concurrence les autres communautés dans l'accomplissement des bonnes œuvres et concourir pour acquérir les nobles qualités. Et aussi, ce n'est pas quelque chose d'insupportable qu'on vous a prescrit spécifiquement. Fin des paroles de Sa'di رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه سبحانه وتعالى فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها توابه سبحانه وتعالى فهذا من التقوى. ومن التقوى كذلك أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي، ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى، ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء والمعدومين، وهذا من خصال التقوى. السعدي رحمه الله دي بي سبحانه وتعالى إلى ستة لبت إلى ساجس dans la législation de l'obligation du jeûne. Et il est dit dans le verset, « Ainsi vous allez atteindre taqwa. » Car le jeûne, il dit, « Rahmatullah alayh, est un des plus grands moyens pour acquérir taqwa. » Car il contient le fait de mettre en application l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala. Et parmi taqwa qu'il contient, que contient le jeûne, c'est que le jeûneur délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit durant la journée, la nourriture, la boisson, les rapports charnels avec ses épouses et autre chose vers lequel son nefs penche. Et cette abstinence, il l'a fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, espérant par son délaissement la récompense d'Allah, et ceci fait partie du taqwa. Et parmi taqwa qu'on acquiert dans le jeûne et qu'on apprend, c'est qu'on apprend à maîtriser son nefs et à aller mettre un frein par le fait de l'abstinence. Et on apprend à observer dans nos actes et dans nos paroles Allah subhanahu wa ta'ala. Car avec le jeûne, l'être humain délaisse ce que désire son nefs, comme nourriture, etc. Alors qu'il est capable de manger, de boire, etc. Mais il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit, c'est tout de ses agissements. Et il dit, rahmatullah alayhi, fait partie du taqwa qu'on acquiert avec le jeûne. Le jeûne rend étroit le circuit du shaitan, car shaitan court dans la descendance d'Adam comme la circulation du sang dans leurs veines. Le jeûne faiblit le pouvoir du shaitan, ainsi les péchés diminuent chez l'être humain. Et fait partie du taqwa, c'est que l'obéissance augmente chez le jeûneur. Et l'obéissance, c'est l'une des caractéristiques de la taqwa. Et fait partie du taqwa, comme il dit rahmatullah alayh, aussi c'est que le riche musulman, quand il goûte à la faim et à la soif, cela le motive à la compassion envers les pauvres et les nécessiteux. Et cela est une caractéristique du taqwa. يقول رحمه الله ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب رخص لهم الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام أخر فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أيام قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. ها فانظر إلى رحمة الله عز وجل، لكي يحصل الإنسان على هذه المصلحة، مصلحة الصيام، فحتى إذا كان عنده عارض مرض أو سفر وأكل يكمل بعد رجوعه من السفر وعندما يشفيه الله سبحانه وتعالى. وله إذا كان أكل في الصيف له أن يرده في الشتاء، مع أن الشتاء الأيام قصيرة والصيف الأيام طويلة، وهذه رحمة الله سبحانه وتعالى في شرعه. Donc, السعدي رحمه الله dit, Allah a cité qu'il leur a prescrit le jeûne et il leur a annoncé aussi que cela se passe dans une durée limitée, très courte et très facile. Et il leur a facilité encore plus dans le verset qui dit, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Il a facilité ici, et c'est qu'il leur a autorisé de ne pas jeûner et de rattraper plus tard. Il a autorisé aux malades et aux voyageurs de ne pas jeûner, hein, pour être à l'aise et pour être bien dans leur voyage et pour ne pas souffrir durant leur maladie, et de rattraper plus tard. Et vu que c'est nécessaire aux croyants d'obtenir le bien et l'intérêt du jeûne, il leur a ordonné, subhanahu wa ta'ala, de rattraper les jours non jeûnés une fois guéris. Et une fois le voyage terminé, après avoir profité du repos et de la facilité prodiguée par cette autorisation. Hein? Et dans le verset, alors qu'ils jeûnent un nombre égal d'autres jours, ceci est une preuve comme quoi qu'il doit rattraper tous les jours qu'il n'a pas jeûné durant le mois de Ramadan. Comme il est permis de rattraper les jours longs de l'été par des jours courts de l'hiver. Et ça, c'est encore une autorisation et une clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas jeûné durant la saison où les journées sont longues, qu'il était. Ben, il peut les rattraper aussi, hein, pendant l'hiver, où les journées sont courtes. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa législation. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-Husna, wa sifati al-Ula, أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.